Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le... C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje iniciamos com Une Belle Histoire, uma bela história. É verdade, é uma bela história, que acabamos então de escutar em francês. Esta aqui é a segunda edição dedicada à música francesa. Ora, e então vamos hoje abrir o nosso programa, ou melhor, vamos continuar o nosso programa com duas musiquinhas, uma calma, eu vou fazer assim, uma calma, uma serena. Uma serena, ou melhor dizendo, uma mexida e uma serena. Uma serena e uma mexida, vai ser assim. Vamos ficar para ouvir um tema muito engraçado do final da década de 60, que dá para o nome de Monsieur Cannibal. É uma música muito engraçada que propõe que escute, enfim, dentro de alguns instantes, deixa-me só dizer que depois vamos ouvir um grande nome da música francesa, já mais até para a década de 80, mas ainda nos anos 70. Estou a falar do tema de Christophe Capri, C'est Fini. É a música, a segunda música que vamos ouvir nesta seleção musical, a terceira no nosso programa. Vamos à música então? Escutemos Monsieur Cannibal. Sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion, l'arrêtèrent sans façon de suite. monsieur cannibal. Je ne veux pas mourir, monsieur cannibal. Laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo. Ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris. Personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues remplies de filles toutes nues et dit: monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses filles nues, il rit. Mais dans sa tête, une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars qui, en voyant les femmes se ruer sur lui, avec tant d'appétit, hurla: monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Pendant 8 jours, il resta enfermé et dut se partager en vain. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste: allez, prends ton camion et retourne chez toi. Le pauvre homme s'écria: jamais. Monsieur cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur cannibal, ding ding ding ding dong, je ne veux plus partir. Ding dong dong dong dong dong, monsieur cannibal. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais abandonnés, nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai. Vamos agora ficar com dois temas, um mais melódico, outro mais bem disposto. Vien é o tema que nos traz Marie de la Forêt. Um tema que até combina bem com o de Christophe, Capri c'est fini, que acabamos de escutar. Vamos agora ouvir, logo depois de Marie de la Forêt, um outro tema, este que dá pelo nome de Belle comme les jours. Belle, elas. Belas como a noite, ou belas como o dia, neste caso. É uma música muito engraçada, que conta a história de um filho que quer ir à discoteca, não é? Quer sair assim à noite, e o pai estar a dar os respectivos conselhos para, enfim, para que tudo corra pelo melhor possível, não é? Então, é uma música engraçada, cantada em francês, que vamos ouvir a partir daqui a alguns minutos. Antes vamos ter Marie de la Forêt com Vian, essa sim que começa a tocar a partir de agora. Amour nous attend. Viens me serrer fort, me rassurer chaque instant sur mes lendemains qui seront enfin à jamais les tiens. Me dire encore que nous vivrons tous les deux. Viens chanter encore notre avenir merveilleux dans cette chanson. Seul mon prénom porte si. Seul instant, puisque demain tu t'en vas pour un an si loin. Viens, je veux ce soir des souvenirs pour un an. Auprès de moi, viens, viens. Un jour, mon père me dit : Fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi,

tu es ma question sans réponse. Mon cri muet et mon silence.